Ah voilà, on se retrouve au milieu. On est parti un petit peu en tant que voltigeur, une première voltige. Voilà, ben bonjour, vous êtes en direct sur la radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. Et je suis venu voir votre stand. Quelqu'un, vous pouvez présenter un petit peu le stand, non? Oui, c'est pas grave. Pardon? C'est pas grave, oui, je suis possible. Pardon? Je suis possible pour la présentation. Oui, vous avez quelqu'un? Oui. Je suis vietnamien. D'accord. Et maintenant, je suis étudiant à Paris. D'accord. Et j'apprends à l'IoT informatique pour l'université Paris 8. Paris 8e, d'accord. Oui. Et maintenant, je fais du travail à la week-end. Pour que vous travaillez un petit peu le week-end pour payer vos études. Pour payer de l'argent à la maison. Ah d'accord. Oui, pour que là aujourd'hui vous êtes donc au stand de tout ce qui est bon. Vous êtes ici sur le stand. Non, ici c'est fruits de la nature qui organisé au Vietnam. D'accord. Oui. C'est tous les fruits que vous avez au niveau du Vietnam. Oui, comme ça. Tu peux me présenter un petit peu les fruits que tu as là? Parce que je vois plein de choses. Alors ça, c'est de la banane. Attends, déjà, je vais dire où je me trouve. Alors là, on est déjà au F17. Oui. Voilà. Donc, si vous cherchez des bons fruits, bien sucrés, c'est des fruits secs. Hein. Ah oui, tous les fruits ici, c'est des fruits séchés. De la nature. Voilà, fruits secs, oui, de la nature, d'accord. Et ensuite, nous avons la production de la nature et un petit peu de citron. D'accord. Et un petit peu de. Alors là, tu vas me présenter quelques légumes, j'allais dire. Non, quelques fruits. Oui, d'accord. Au début, c'est la nature. C'est la nature, c'est bananes comme ça. Et hibiscus. Hibiscus. Avec pommes. Je peux vous dire que moi, j'ai l'odeur, j'ai la vue. Et c'est très joli. Ah oui. C'est très joli à voir. Très joli. Je pense. Oui, c'est beau, la couleur est. Je pense c'est sûrement pêche. Très bon. La pêche. La pêche. La pêche avec la mango. Alors, on a de la pêche. Oui, avec la mango. Là, ici, il y a de la mangue. Mango. Avec de. Mango, pêche. D'accord. Je vois le. Kumquat. Le. Kumquat. Kumquat, c'est citron. D'accord. C'est ton passe. On va goûter tout à l'heure. Ah oui, si vous voulez. Oui. Après. Pas pendant que je parle. Non, c'est pas grave. Voilà. Si, pour moi, c'est grave parce que je vais mal parler. Oui, et si vous voulez, la mango. Allez, je vais goûter une petite mangue. Mais la mango. Ah, c'est délicieux. C'est very good. Les enfants, ils adorent beaucoup de la mangue avec de la pêche. Parce que il y a populeux et c'est de goutte pas un mango, c'est trop bon. C'est très bon, ouais, oui, c'est trop bon. Je confirme. Alors là, on a du kiwi. Ouais. On a de la papaye. Ouais. C'est comment ton prénom? Je m'appelle Toan. T-O-A-N. Je m'appelle Toan. Toan. T-O-A-N. T-O-A-N, c'est ouais. Toan. On est au stand de. Comment il s'appelle le stand? C'est dur à prononcer ça. A-N-H-A-N. Non, mais le nom. Le nom. V-A-N. V-A-N. Ouais, j'ai pas trop le. Je sais pas trop parler le vietnamien. Peut-être qu'à la fin de la. Je serai peut-être parler vietnamien à la fin. Déjà, j'apprends le portugais. Parce que je suis au stand de la radio Arc-en-Ciel, 96.2 Orléans. Oui, c'est pas grave. Je suis français. Ouais. Et je suis animateur. Pour une radio portugaise, tu vois. Et là, je parle avec un Vietnamien. Donc, on est bien en Orléans quand même. Hein. Je trouve que c'est une raison très importante avec moi. D'accord. Parce que parce que maintenant je suis étudiant. Oui, je suis à Paris. Oui, à Paris. Je suis à Paris, oui. Je voudrais parler de la français. Parler de français. Tu arrives? Oui. Ça fait combien de temps que tu es en France? Maintenant, j'habite enfin dans 2 ans. 2 ans? Oui. Bah, tu parles. Alors, moi, je vais te faire un aveu. Tu parles beaucoup mieux français que moi, je ne parle vietnamien. Ah ouais? Moi, je ne parle pas du tout vietnamien. Merci. Tu vois, tu... Mais je dois parler beaucoup oui, et beaucoup. Il faut parler. Parce que de la grammaire, le français, c'est difficile. Non, c'est facile le français. Alors, je le parle. Ouais. Par contre, le vietnamien, ouais. Pour moi, c'est difficile. Ouais. Alors, on a donc de la papaye. On a... Qu'est-ce que c'est ça? La kiwi. Ah, c'est un kiwi, mais d'une autre couleur. Il est un petit peu plus jaune, celui-là. Oui, on a plein de choses. L'hibiscus doit être très bien. Gingembre. Chaque gingembre, il ne faut pas trop en prendre. Hein. Ouais. C'est bon pour le moral, là, gingembre. Le gingembre, c'est très fort. C'est aphrodisiaque, un petit peu. Aphrodisiaque, tu sais, c'est... Ça fait viril, après, pour aller avec les dames. Les enfants, pour donner grand-parents. Ah oui, oui, grands-parents. Et ils adorent beaucoup. Voilà, on m'a dit que les grands-parents, mais on m'a dit que le gingembre, c'est un petit peu comme le Viagra. Le Viagra, non, c'est nature, c'est nature. Pas. Ouais, mais ça, c'est nature. Ouais. Ah. Non, tu m'en donnes pas parce que je vais pas finir la soirée sinon. Tout à l'heure, je reviendrai. Voilà, bah écoute. Je vais faire encore un petit tour, puis je reviendrai te voir un petit peu plus tard. Ouais. Hein? Ok. Nous, on est juste un petit peu plus loin là-bas. Hein? Je viendrai manger 2 ou 3 fruits. À tout à l'heure. Merci. Bah, mesdames, profitez-en. Alors, on se promène un petit peu à la foire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Elsa. Elsa et Léa. Elsa et Léa, elles sont charmantes. Merci. Elles sont au stand vietnamien. Là, elles sont en train de. Il y a du gingembre là-bas, mesdemoiselles. Hein. On est en train de tout goûter, c'est super bon. Ah ouais. Attention, parce que c'est du sucre. Hein. Oh, c'est pas grave. C'est bon pour la santé. Alors, vous êtes à la foire depuis quand là? Ça fait longtemps que vous... Moi, ça doit faire 1 heure. Moi, je viens d'arriver. Ah bah, il y a plein de choses à voir. Oui, exactement. Voilà. Donc, nous, on est au stand là-bas, un petit peu plus loin, 96-2, Arc-en-Ciel. Vous êtes d'Orléans? Vous êtes d'où? Oui, d'Orléans. Vous êtes d'Orléans? Tiens, elle dit ça pique pas. Vous êtes natif d'Orléans? Non, pas du tout, d'Arcachon. Oh, une bordelaise? Ouais. Hé, je vais te faire un aveu. Ah, c'est vrai? Ouais, je suis de ce nom. Ah, je oui. suis du 33, mais il y a longtemps, ça a bien dû bouger. Et toi, tu es aussi? Ouais, de Tours. De Tours, une tourangelle. C'est ça. Voilà. Donc, deux copines. C'est ça, bah oui. C'est ça. Voilà. Et donc, on balade. Exactement. On romaine. On est venu donc manger. Alors, comment vous le trouvez, ces fruits? C'est super. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment très, très bon. Ouais, franchement, c'est original. Je ne connaissais pas, moi. J'avais jamais goûté. Bah voilà. Parce que le jeune homme qui est sur ma droite, sur votre gauche à vous, ouais. il est étudiant à Paris et il apprend le français. Ah, et pour se payer ses études, mais il vient travailler le week-end et il vend des. Bah, donc allez-y. Si tu veux, je vais te le présenter, et puis tu vas pouvoir leur présenter les. Je vais te présenter à ces demoiselles. Alors ouais. Elle est de Tours, à côté, une ville. Et elle est à Arcachon. Arcachon, c'est du côté de Bordeaux, au sud-ouest. Oui, oui. Non, ben, je vais vous laisser ensemble. Hein. Ouais. Voilà, j'ai formé presque des couples. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas comment je vais finir. Je vais me faire virer. Elsa et Léa, on se dit à tout à l'heure. Puis venez nous voir au stand d'Arc-en-Ciel. Bonne soirée, à tout à l'heure. Voilà, bonne balade à vous. Merci beaucoup. Profitez. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Plaisir. Salut les filles. Dá-me socorro, quero sair. Socorro, dá-me socorro, deite minha mão que eu vou a cair. Socorro, dá-me socorro, que eu vou agoniado. Socorro, dá-me socorro, isto é bom para quem vai sentado. huevón para que vaya sentado. Socorro, dá-me socorro, socorro, quero sair. Socorro, dá-me socorro, deite a minha mão que eu vou a cair. Socorro, dá-me socorro. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Saí à noite, dei um giro na cidade. Demorei algumas horas para voltar. Quando voltei, já era de madrugada. Fui direto para a cama descansar. Minha mulher falou-me meio sem graça. Até agora não dormi, estou doente. Mas meu lugar estava quente que nem brasa. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada. Fui-me deitar, o meu lugar estava quente. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Nunca usou pintura nem saia curta, porém agora decidiu que vai usar. Antigamente não fumava nem bebia, agora fuma e enche a cara sem parar. Quando lhe peço para chegar mais cedo a casa, ela responde: eu não sou mais adolescente. Virou piranha, começou a vadiar. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada. Fui-me deitar, o meu lugar estava quente. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Cheguei em casa de madrugada. Fui-me deitar, o meu lugar estava quente. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Fica na pontinha do pé. na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Pelo barulho ela está a chegar. É a minha sogra. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei, mas logo vi, me enganei. O sonho se acabou. Foi só botar as alianças, mau humor, desconfiança. Foi assim que me tratou. Que cruel a minha sogra, preferiu uma cobra a um filme de terror. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escabela e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, então vem ela embrulhada de presente para ti. Este é o hino de todos os genros de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Se é para mentir. Se eu ralho com as crianças, me critica sempre a mansa, me chamando de animal. Animal! Se eu ralho com a mulher, mete a boca, mete os pés. Minha filha casou mal! Não aguento este tormento, afinal dou o sustento para a miséria do meu lar. Abro o olho, meu irmão, que feliz foi o Adão, sem sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escavela e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, também ela é embrulhada de presente. Minha sogra morrer, vou estar a trabalhar. O meu patrão vai me querer dar folga. Eu vou dizer que não. Primeiro o trabalho e depois a diversão. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escavela e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eh ben, je pense qu'on est en ligne. Voilà, est-ce que tu peux faire un petit essai micro? Est-ce que vous m'entendez? Eh ben, parfait. Voilà, c'est parfait. Eh bien, bonjour à toi. Bienvenue donc sur le stand d'Arc-en-Ciel. Est-ce Merci. Que déjà tu peux nous donner ton prénom? Alors, moi, c'est Victor Boyer. D'accord. Donc, gérant de la société BSN Aventure. Donc, on est au stand E21 au salon. Voilà, on propose, en fait, on a des bases de loisirs à l'étang de la Vallée à Combreux et à l'étang des Bois à Vieille-Maison-sur-Joudry. D'accord. Voilà, donc on propose une grande diversité d'activités de pleine nature. Eh bien, tu as le micro, à toi de faire la parenthèse, tout ce que tu fais, tout ce que tu as. Ça marche. Donc voilà, l'étang de la Vallée à Combreux, on a diverses activités, on a créé un parc acrobranche. Voilà, d'accord. Sur ces deux dernières années. Donc c'est accessible à tous à partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Voilà, il y a des parcours pour tout le monde. On a aussi de la location de vélos électriques. On a d'autres on a des activités nautiques, du canoë, du paddle, du pédalo. On fait du lancer de hache. Ça c'est ah oui, assez c'est nouveau, sympa. Ça. Ouais, mais c'est de la sécurité nouveau. Là pour faire du lancer ouais, de hache. C'est des activités encadrées un peu. Faut être costaud. Ça va. Il y en a pour tout le monde. En tout ouais. Il y a des petites haches et il y a des grandes haches. Exactement. Ouais. Il y a plein de modèles différents. Il y a du gel blaster. C'est comme du paintball mais version soft pour ouais, aussi ça les. Voilà. Le paintball ça fait mal. Hein. Ça pique. Hein. Exactement. Des bleus des fois. Là c'est du soft pour les enfants. J'en ai fait sur une autre station que tu connais du côté de l'île Charlemagne. Ouais. Et ouais, ça pique. Hein. Ouais, ça pique ça, un peu. Ouais. Là, alors, pour tout te dire, moi j'étais photographe à l'époque, professionnel, et je faisais des photos là-haut. Tu sais, pour les clients, quoi, pour ça. Et les gars, ils s'amusaient à me tirer dessus, tu vois. C'était le lapin. Ouais, ouais. Pour éviter, là. Voilà, donc et après on a aussi une partie restauration snack voilà où qui est au bord de la plage voilà il y a du bon, mais il y a pas la mer là-bas. Ah non, mais un grand étang. Ah ouais, alors tu peux nous redire l'endroit, ce que j'ai pas capté au départ où tu étais. Ouais. Donc c'est à Combreux. Combreux, ouais. C'est ça. Si Combreux, c'est entre Orléans et Montargis en forêt d'Orléans. En vélo, c'est loin? En vélo d'Orléans, ouais. 1h30, 2h, avec le canal d'Orléans, la véloroute du canal. Ah bah voilà, magnifique. Voilà, bah ça, il fallait glisser ça. Voilà. Hein, voilà, donc après on fait aussi pas mal d'événements. Là on organise une chasse aux œufs de Pâques le 11 et 12 avril. D'accord. Voilà. Et pendant l'été, on organise chaque semaine, tous les vendredis soirs, il y a un concert gratuit. Voilà, ouais, donc, tu fais de la musique aussi. Ouais. Y a tu prends quoi comme groupe? Tu fais venir quoi? Des groupes locaux, il y a de tout. Les mauvais garçons du Loiret, enfin, il y a pas mal de groupes. On va en discuter tout à l'heure, hein. On va faire ça en off. Tu sais, j'organise un petit peu de concerts, donc je connais un petit peu de groupes sur la région. Voilà, c'est le côté. Puis bon, en même temps, je travaille à la radio Arc-en-Ciel, donc je suis animateur. Et là, tu as la présidente Christine qui est là, qui fait la technique. Ça marche. Voilà. Puis je te voyais tout à l'heure avec le sourire, puis moi, je peux pas m'empêcher de pas aller le voir. Eh ben oui. Non. Dis-nous tout, tu fais l'enterrement de vie de garçon et de filles aussi, oui. Ouais, c'est à fond. Ouais, ouais, ouais, EVG, EVJF, même les VG, amis, VGF, vas-y. Enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Bien sûr. Voilà, non, ça fonctionne bien. Bah, avec le lancer de hache, voilà, on a un enquête game aussi. Pas la tête, non, ça va, ils sont pas. Non. Il n'y a pas d'accident, ça se passe bien. Il n'y a pas d'accident, aucun problème. Ils mettent des photos sur les cibles s'ils ont besoin. Ouais, ah ouais, ouais, quand ils veulent se faire mal. Voilà. Tiens, mon futur mari, je le mets là. Exactement. Ouais. Voilà, donc on fait aussi des séminaires. Hein, on organise pour des groupes. On a beaucoup. On accueille les écoles, les centres de loisirs. Ouais, voilà, des entreprises qui veulent faire une journée. Ça fait 2 ans que vous êtes ouvert. Non, même plus. Là, c'est la quatrième année. Quatrième saison. Ouais, quatrième saison qu'on a repris les activités et qu'on a tout mis en place à l'étang de la Vallée. D'accord. Voilà. Et vous êtes ouvert toute l'année ou il y a une période de fermeture? C'est d'avril à octobre. D'avril à octobre, ouais. Parce que octobre, après. Voilà, après. Puis bon, ça la météo, parce que. Bon, exactement. Vous n'êtes pas en terrain fermé, je veux dire. Ça fait un terrain fermé, je veux dire. Vous êtes en air libre, donc il y a la météo qui joue beaucoup. Ouais, exactement. C'est la météo qui décide beaucoup, donc forcément, après l'hiver, c'est off. Ouais, avec les câbles gelés, tout ça. C'est exactement. Ouais. Voilà, et après, on a aussi. Du coup, nous, à l'étang des bois, la vieille maison sous Joudry. Oui, voilà. Ça c'est, voilà. Là, on a uniquement la partie activité de loisirs. Et donc, cette année, on fait un gros coup de pub dessus parce qu'on va créer un aquapark. Voilà, donc c'est un parc aquatique gonflable. D'accord. Voilà, donc c'est une grosse zone de jeu pour jouer sur l'eau à l'étang des bois. Voilà, et on crée aussi un laser game outdoor. Voilà, mais vous êtes plein d'ambitions, vous avez plein de choses à faire. Ah, bah, c'est bien la jeunesse. T'as quel âge sans indiscrétion? 27. Ah, bah, c'est beau à 27 ans de pouvoir. C'est beau à 27 ans, c'est notre photographe professionnel, ça. Elle est dédiée à la photo. Tu trouves pas qu'elles se ressemblent toutes les deux? C'est vrai, il y a un air. Il y a un air de famille, hein. Ah, voilà. Donc, elle est aussi animatrice à Arc-en-Ciel. Voilà, elle fait les émissions en général le vendredi soir, c'est ça, hein. Voilà. Alors, c'est... Voilà, vas-y, bah, je te laisse le micro, c'est toi, là. Non, pas de soucis. C'est toi l'invité, hein. Ça marche, bah, non, voilà. Donc, venez, en tout cas, le message, c'est venez découvrir les activités à l'étang de la vallée et à l'étang des bois. Alors, moi, tu sais, je vais t'embêter parce que je suis là toute la semaine. Sauf mercredi. Mercredi, tu ne devrais pas me voir, mais je vais revenir te voir parce que, bon, il y a aujourd'hui des gens qui nous écoutent, mais ceux qui sont aujourd'hui ne seront peut-être pas là demain. Ouais. Donc, on refera un petit peu l'interview, on va reparler de tout ça. T'as d'autres choses à nous annoncer? T'as d'autres choses à nous dire? Non, après, nous, voilà, on fait pas mal d'événements. Hein, là, cette année, on a aussi normalement un événement le 27 juin qu'on va créer. Ça sera la fête de l'étang de la vallée. Donc, il y aura des activités à moitié prix. Voilà, il y aura des animations de beach volley, de pétanque. Normalement, une parade en bateau sur l'étang aussi avec les mariniers. Une parade en bateau, mais bateau avec les mariniers. Avec les mariniers. Mariniers ? Tiens, je connais un petit peu du monde de la marine de Loire. Moi. Ouais, nous on en connaît aussi. Il y a les mariniers de Vitry, il y a les mariniers de Grignon, bien sûr. Et les mariniers de Châteauneuf aussi. Ouais. Voilà. Voilà, donc ils vont venir parader un petit peu. Et... Exactement. Bah, si tu les vois, c'est parce que je pourrais peut-être pas être là, mais tu leur donneras le bonjour de Didier, photographe. Je pense qu'ils connaissent bien, ouais. J'ai beaucoup bourlingué avec eux, avec les mariniers d'Orléans et tout. Je connais bien le monde, ça marche. Bah écoute, en tous les cas, c'est Victor. Hein. Victor, je te remercie d'être passé au stand. Je vais récupérer ma sucette. Et puis, en même temps, je vais te passer à Madame la Présidente. En tout cas, bravo à vous. Le stade de la Vallée, effectivement, pour moi, ça me parle de ma jeunesse. Et je trouvais ça dommage que ce stade de la Vallée n'ait plus de vie pendant un petit moment. Et je trouve ça génial, ce que vous avez pu faire. Et que vous continuez à donner vie à ce stade qui est, enfin, ce qu'on appelle le lac. Et on passait beaucoup de temps. Et je trouve ça super sympa. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Et je trouve ça super sympa qu'on puisse retrouver à nouveau ce stade, ce l'étang de la vallée, et que l'étang de la vallée, même l'étang des bois, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'il puisse revivre à nouveau et qu'on puisse retrouver un air de fête, on va dire un air d'activité. Exactement. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, le but, c'est vraiment faire revivre les lieux. Hein. C'est ce qu'on nous dit souvent. Tout à fait. Et en plus, c'est vrai que sur Orléans, lorsqu'on est privé de partir en vacances à loin ou à l'extérieur, on se rabattait souvent sur cet endroit. On allait souvent sur les étangs et que c'était super sympa. Et je trouve ça vraiment très bien. Bravo à vous. Eh ben, merci beaucoup. Par contre, je vous laisse encore une petite une invitation. Ce serait bien de passer nous voir au studio de la radio, justement, avec dans l'émission plaisir. De Didier. Donc, vous puissiez en parler, parce qu'effectivement, ici à la Loire... Enfin, la foire, c'est une communauté qui est différente. Mais nos auditeurs à la radio, ils ont besoin de cette information aussi. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. Restez en contact. Avec plaisir, je passerai vous voir. Moi, ça me fait énormément plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci Didier. Bien, merci Christine. Alors, sans problème, hein. On va échanger nos coordonnées et puis tu passeras mon émission. Didier & Co, c'est le jeudi après-midi entre 14 et 17 heures. C'est du talk pendant 2 heures, puis il y a 1 heure de musique. On fait un change, mais je t'expliquerai ce soir en off. Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup. On se revoit un peu plus tard dans la foire. Ok. À plus dans le bus. Allez, on fait comme ça. Merci. Merci à toi. Au revoir. Eu nem sei o que vos diga, eu nada disse de mal, estava a falar da barriga. Oh pessoal, eu nem sei o que vos diga, eu nada disse de mal, estava a falar da barriga. Ai ai que cena, ai ai que cena, há homens com ela grande, outros com ela pequena. Ai ai que cena, ai ai que cena, há homens com ela grande, outros com ela pequena. Homem que é homem, gosta bem de andar na moda, mostra que tem e mais nada o incomoda. Homem que é homem, quando vai levar a vida, ela sempre o acompanha, mais curta ou mais comprida. Homem que é homem, quando vai levar a vida, ela sempre o acompanha, mais curta ou mais comprida. Et bien on est parti. Et oui, toujours en direct de la foire d'Orléans. un spécial Portugal. Portugal est à l'honneur, mais non seulement. Venez nous retrouver pour en parler, pour déguster, pour passer un bon moment et pourquoi pas passer au stand de Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel reçoit un petit peu tout le monde ici sur cette foire. Et justement, notre grand présentateur est avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien, très bien. Comment va la foire? Eh ben, la foire va bien, elle a ouvert depuis hier et puis on a fait une très très belle journée aujourd'hui. Alors le soleil, il y avait plein de gens dans les terrasses, ils ont déjeuné au soleil. Et puis là, cet après-midi, enfin ce soir, on commence à avoir la nocturne. Nous allons avoir Jessie Matador qui va être sur la scène à 21h, un concert gratuit, ensuite un DJ. Et puis on va pouvoir, je vois, on commence à aller sur les espaces de restauration. C'est le moment de l'apéro, là, voilà. Ce sera l'idéal, alors. On va déguster les bons produits portugais. Tout à fait. Avez-vous eu le temps ou pris le temps de goûter quelque chose? Ah, la liqueur Ginja. Ah, ginja, tout de suite, ginja. Voilà, c'est oui. Ça. Ouais, mon portugais, surtout avec le petit chocolat. Ah bah. Avec le petit chocolat, c'est bon ça. Et on perd rien. On mange le verre, et on boit. Et ouais, voilà. Et puis alors bien sûr les natas. Ah ben voilà, pastel de nata. Pastel de nata. Voilà, pastel, ça c'est bien ça. Pastel de nata. Et justement, il y a eu un atelier cet après-midi. On a fait, il y avait une douzaine de personnes qui ont réalisé leur pastel de nata. Et c'était réussi? Eh oui, parce que j'en ai goûté, ils étaient très très bons. Oh, super, super. Et je ne savais pas que c'était aussi facile à faire. C'est facile à faire. Alors, parfois le résultat n'est pas... Oui, mais bon, apparemment, c'était bien. Ah oui, c'était bien. Voilà, c'était bien. Ce qu'il faut. Et très puis bien. L'exposition, vous avez visité l'exposition. Génial. Je félicite toute l'équipe. Effectivement, les organisateurs ont fait un travail exceptionnel. Et les gens, ils viennent, les gens, ils apprécient. On a beaucoup de bons retours. Enfin, nous, de notre côté, on n'a que du bon. Et vous, de votre aussi? Et surtout, on peut gagner le voyage au Portugal. C'est surtout ça. Voilà, d'une valeur de... Imaginez que c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Portugal. Moi, c'est ça que j'aimerais bien, que ce soit quelqu'un qui ne le connaisse pas du tout pour que justement, il puisse aller en profiter. Alors, on m'a dit, quand on va une fois au Portugal... On y retourne. On y retourne et on a envie d'y vivre là-bas. Apparemment. Hein? Apparemment. On va préparer la retraite. Il y passe au beau temps, là-bas. Eh oui, hein, c'est vrai avec le Portugal, voilà. Et puis on voit toutes les personnes qui viennent du Portugal. Il y a le sourire, tout à fait. La bonne humeur, tout et on en a bien besoin. On s'est tant un peu troublé. Tout à fait, on en a besoin de ça. En tout cas, merci à vous et un bon baladeur. Continue à se balader, il y en aura raconté plein de belles choses. Et puis surtout longue vie à Radio Arc-en-Ciel. Faut aider Radio Arc-en-Ciel, hein. Faut aider des radios comme Radio Arc-en-Ciel. Elles en ont c'est bien du besoin. Local. Voilà, c'est du local, on en a c'est besoin. Du local. Tout à fait. Merci à vous. Merci. À plus tard.

Direct de la foire d'Orléans, les studios de Radio Arc-en-Ciel toujours présents pour recevoir et pour interviewer nos commerçants ici présents, leur donner une visibilité supplémentaire. Et nous sommes avec un partenaire de Radio Arc-en-Ciel, un ami, c'est même pas un partenaire, moi je trouve que c'est un ami de compagnie, un ami qui nous suit depuis des années. Comment ça va bien? Ça va très bien, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. C'est de la bonne fatigue. C'est de la très bonne fatigue. On va dire ça comme ça. Je vais vous laisser me vous présenter à nous. Ben donc, moi, c'est Polo. Je suis le gérant de la société SMT Ravalement à Fleury. Puis voilà, donc là, on est à la foire avec toute la musique, tout le monde. Hein, ça fait agréable et ça fait du bien. C'est bien animé cette année, contrairement les années précédentes, ça fait plaisir quand même. Parce qu'au moins, il y a du monde et ça fait plaisir. Tout à fait. Et puis, on est bien situé quelque part. On est très bien situé. Voilà. Beaucoup de choses à manger, à boire, donc on est très, très, très bien. Si on parlait un petit peu des SMP Ravalement, quel âge a SMP Ravalement? Ben, SMP Ravalement, ça fait 27 ans maintenant. Ça commence à faire un petit peu, ouais. C'est un bébé de la famille, quoi. C'est un bébé de la famille, voilà. Donc, ça fait 27 ans qu'on a la société, ouais. 27. Très bien. Au départ, bon, voilà une entreprise, petite entreprise qui s'est créée, qui a évolué avec son temps. Aujourd'hui, est-ce que vous ressentez cette évolution et en êtes-vous fier de cette évolution de votre entreprise? Bien sûr, on peut pas dire au contraire. Bien sûr, on est toujours fier parce que bon, c'est quelque chose que j'ai créé tout seul au départ. Aujourd'hui, on est quand même 25 personnes dans la société. Donc bien sûr, on est fier, on est content et puis bon, on a du boulot, donc. C'est très important. Voilà. Donc, important. On a quand même beaucoup de travail. Mais bon, c'est vrai que faut être sérieux, faut être là, faut être présent. Et... Tout à fait. Mais puis ça marche bien. Si c'était à refaire? Ouais, je le referais. Des fois, on est un peu. Comme on dit, on n'a pas de samedi, on n'a pas de dimanche. On est un peu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut savoir ce qu'on veut. Après, mais on a des vacances de temps en temps. Oui, quand même, oui. Voilà, oui. C'est faut ça. Il faut quand même descendre au Portugal deux fois dans l'année. Mais oui, je le ferai quand même, oui, parce que bon, c'est quelque chose que j'aime bien, ce que je fais. Et non, je ne regrette pas du tout, non. Très bien. Aujourd'hui, c'est une entreprise, comme vous disiez à l'instant, qui a grandi, qui a fait son temps, qui est difficile aujourd'hui parfois. Vous ressentez cette difficulté il y a 27 ans en arrière où tout paraissait plus facile et qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile, ce monde du bâtiment, vous sentez qu'il y a eu quand même une baisse, vous le ressentez? Alors oui, tout à fait. Alors moi je parle pour nous, bon c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une petite baisse malgré qu'on a quand même beaucoup beaucoup de boulot. La difficulté aujourd'hui je pense c'est surtout le personnel, c'est très très très compliqué. Moi, j'ai la cette chance, on va dire, de pouvoir garder les salariés que j'ai depuis très longtemps chez nous. Dans ce sens-là, ça va. Donc, c'est des gars qui sont quand même depuis très longtemps. Donc, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, on cherche quand même plus de personnel. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est ça, c'est de trouver du personnel. Après, on voit que par rapport à la conjoncture, c'est quand même plus dur parce que tout est plus cher. La ville est plus chère. Donc, tout à fait. Et puis, les matériaux, forcément. Et puis ça, voilà, les gens, ils arrivent à un moment aussi, c'est compliqué pour les gens. Donc, c'est plus compliqué qu'au départ quand je démarre, il y a tout à fait, oui. Il n'y a rien à voir. Tout à fait. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Et puis, plein de bonnes choses pour SMP Ravalement. Ben, merci aussi d'être notre partenaire, d'être toujours à nos côtés, parce que c'est important. Aujourd'hui, Radio Arc-en-Ciel, c'est vrai qu'on est une radio associative, la radio qui référence un petit peu la communauté portugaise, mais on a besoin de vous, les sociétés à nos côtés, parce qu'on se sent moins seul. On se dit, oh, ils sont là. Ça, c'est, je sais pas, c'est peut-être un élan de force que ça nous donne, parce que vous êtes là depuis longtemps, vous avez toujours connu la radio, et ça, c'est important que vous soyez toujours à nos côtés. Merci. Ouais, je pense que ça aussi, c'est parce que nous, c'est nos racines, on est comme ça, on est bien aidés. C'est une famille, en fait, et puis je trouve que, moi, personnellement, j'écoute la radio portugaise du matin au soir. Donc, pour moi, c'est une compagnie quand je suis tout seul sur la route pour aller faire mes rendez-vous. Donc, j'aime bien. Puis, heureusement que oui, qu'il y a la radio pour pouvoir aussi connaître pas mal de choses, pas mal d'informations, donc c'est très important. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir aider comme je peux, quoi, au maximum que je pourrais. J'aiderai toujours la radio, pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne foire. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Um dia sem nascer, porque rezando o amor vamos esquecer. Todos os dias temos que falar a frase: eu estou-te a amar. Entre nós nada pode ser escondido. E só uma coisa para mim é proibido. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. É proibido, é proibido. Eu te amo, eu te quero. A toda hora eu quero ouvir. Eu te desejo, tu me enlouqueces. A toda hora eu quero ouvir. É proibido, é proibido. Arc-en-ciel toujours en direct de la foire d'Orléans, Radio Arc-en-ciel, la radio de proximité, la radio qui vous lie au Portugal de loin ou de près, ici présent pour retrouver les stands de nos partenaires, de nos commerçants ici présents aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça fait du bien effectivement de les retrouver. Aujourd'hui, je me trouve face là maintenant à PMB, Pro Maintenance Bâtiment. Mais qui sont-ils? Moi, je ne saurais pas le dire, mais monsieur va savoir. Bonjour, bonjour. Bonjour, eh bien moi je me prénomme Fabien, je suis chargé d'affaires Pro Maintenance Bâtiment. Pro Maintenance Bâtiment a été une entreprise qui a été créée il y a 6 mois pour le besoin, c'est une ancienne gestionnaire de copropriété, Madame Texera, qui l'a conçu et qui l'a ouvert, puisque c'était pour les besoins, justement pour les agences immobilières, tout ce qui est copropriété ou autre. Et l'idée, c'était surtout d'adapter pour éviter le changement, parce qu'il y a des entreprises, quand ils se déplacent et qu'ils veulent venir faire des travaux et qui changent. Nous, on va plus être dans l'adaptation. On va essayer de trouver des solutions pour réparer et ne pas changer. Pro-maintenance bâtiment a été aussi créé essentiellement pour Pro-Adapt, puisque aujourd'hui, on sait tous que la population est vieillissante et que les anciens veulent rester le plus en plus chez eux, hein, puisque tout ce qui est EHPAD et autres, ça coûte très cher. Et mieux vivre chez soi, on vit beaucoup plus longtemps. N'est-ce pas? Donc en fait, nous, on a créé aussi Pro-Maintenance Bâtiment pour faire l'adaptation pour les personnes âgées aussi. C'est vraiment la spécialité de l'entreprise? C'est vraiment adapté aux personnes âgées, PMR et autres. C'est exactement ça, l'accessibilité PMR. Ça n'est pas, c'est pas aussi pour les personnes âgées, c'est pour les handicapés et autres. Donc c'est l'activité vraiment principale, c'est d'adapter les appartements et les maisons pour les personnes âgées. Et aussi, on est qualifié RGE Calibat pour tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur, tout ce qui est isolation intérieure et plancher bas. On essaye d'avoir le maximum de produits pour pouvoir pallier à toutes les travaux dans une maison. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes ici présent à la Foire d'Orléans pour effectivement parler de cette entreprise, pouvoir promouvoir l'entreprise. Est-ce que vous pensez que le produit Foire d'Orléans est un produit qui convient à l'entreprise? Est-ce que vous avez à trouver le bon client qui a vraiment besoin de vos services? Aujourd'hui, c'est plus difficile qu'il y a quelques temps en arrière? Non, c'est une question d'attitude. La foire, en fait, l'idée, c'est de promouvoir ces Pro-Maintenance Bâtiment. Faut promouvoir la marque. L'intérêt, c'est d'être là, de se montrer et de dire qu'on existe. Après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça dépend de l'attitude qu'on peut avoir sur la foire. Nous, l'idée, c'était vraiment de dire que Pro-Maintenance Bâtiment, on peut adapter tout pour la maison et tout pour les appartements. Et aussi pour les gestions de copropriété et autres. Très bien, très bien. Ici, si moi je vous dis, voilà, on est, je viens de construire ma maison, j'ai besoin de l'adapter en entier, parce que voilà, la vie change, je vieillis, et j'ai besoin d'adapter ma maison complètement. Quel est ce, comment je procède? Alors, comment ça se procède? On procède pour le Pro-Adapt, parce qu'on est là, hein, pour l'accessibilité PMR. On va d'abord trouver un AMO. L'AMO, c'est une personne qui va s'occuper justement, puisque en fait, l'AMO, c'est un garde-fou. En fait, c'est pas l'entreprise qui va décider de savoir qu'est-ce qu'on doit adapter pour la personne âgée. C'est l'AMO, c'est un architecte ou autre qui a une spécificité et les diplômes, qui lui va dire que la personne âgée, elle a besoin de ça, de ça, de ça. Et nous, l'entreprise, après, par la suite, on peut venir en tant que conseil, parce que c'est aussi notre but, hein. Mais nous, on vient après l'AMO. C'est-à-dire que l'AMO dit, voilà, il faut adapter la salle de bain, il faut adapter la cuisine ou autre. Et bien nous, on fait un devis dans ce sens-là. On se déplace au domicile, on regarde ce qui est techniquement réalisable par rapport à la physionomie de la maison ou de l'appartement, et par la suite, on prépare un devis chiffré détaillé gratuit. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui de mettre en place? Rien. Comment ça, rien? Rien. Non, c'est une question, encore une fois, c'est une question de visibilité. De visibilité par rapport à ce qu'il y a à faire. Nous, on est des professionnels. C'est à nous aussi de dire à la personne âgée, avec l'AMO, toujours, hein, parce que ça, c'est très, très important. C'est surtout pour, encore une fois, c'est un garde-fou, parce qu'il y a tellement de margoulins qui font un peu n'importe quoi. Encore une fois, c'est un garde-fou. Donc, nous, après, on travaille avec l'AMO et, en fait, on écoute la personne âgée et après, on adapte par rapport à ses besoins. Et ça, c'est le beaucoup plus important. Et les enfants aussi sont très très à l'écoute par rapport à ça, parce que ça les embête aussi de mettre les parents en EHPAD. Donc en fait, ils les laissent chez eux et ils vont mettre des fois un petit peu plus d'argent pour laisser les parents chez eux plutôt que de les donner dans une EHPAD. Tout à fait, j'arrive tout à fait à comprendre, parce que voilà, vous êtes peut-être peut-être pas d'origine portugaise, je ne sais pas. Non, je suis pas d'origine portugaise, mais je travaille pour une entreprise portugaise et ça fait des années et j'en suis très content. Justement, nous, au Portugal, on a du mal. Enfin, ce n'est pas dans notre culture. Ça n'existait pas auparavant et c'est quelque chose qui n'était pas présent dans les villages, les EHPAD. Oui. On va dire que la personne âgée, effectivement, restait dans sa maison. On a adapté la maison avec les moyens possibles, hein. Mais c'est quelque chose dans la culture portugaise, laisser nos familles dans leur maison parce que c'est plus facile et c'est plus... humain, je m'excuse du terme, mais c'est la réalité. C'est plus humain qu'ils restent dans leur maison et d'adapter la maison en fonction de l'âge, c'est la vie plus facile que cet EHPAD. Je suis pas contre les EHPAD, mais la maison est quand même un lieu plus adapté, si c'est possible de l'adapter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient de nos cultures, hein, parce qu'au Portugal, on a beaucoup de mal à mettre... ça n'existait pas. Aujourd'hui, on commence à avoir des centres de jour, des centres pour personnes âgées et tout ça, mais c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc je pense que Mme Teixeira a une bonne idée et que ça vient de chez elle. Exactement, ça vient de chez elle. Et en fait, elle est très proche aussi de ses ouvriers, de ses clients. En fait, elle est très intéressante. Et il y a sa fille aussi qui travaille aussi en fait avec les personnes âgées ou dans la petite enfance, hein, c'est ça, je crois. Très bien. On va aller chercher. Il faut jamais me dire des choses comme ça parce que moi je vais aller la chercher pour qu'elle vienne papoter un petit peu avec nous. Là, regardez, ça continue là-bas. Regardez comment ça. Vous savez rien de moi. Oh, mais moi je suis très curieuse, j'aime bien tout savoir. Comment ça va, mademoiselle? Ça va. Moi, ça va très bien, mais vous aussi, vous allez voir, ça mange pas. Je vous mangerai pas, je vous enlèverai pas un bout. Et en général, quand on commence à papoter à la radio, on y reste. Regardez, ouais, monsieur, bon. Il est resté longtemps. Donc, une fierté de porter les couleurs de l'entreprise de maman, de Madame Teixeira. Bah oui, mais moi, je travaille plus dans le social. Donc, vous voyez vraiment le côté, ce métier de social, le placement des personnes âgées. Et vous arrivez à faire le lien avec ce que fait Madame Teixeira, maman? Oui. Bah... Vous comprenez bien les besoins, on va dire? Oui, voilà. Et qui peuvent se mettre en adéquation par rapport à l'entreprise et votre métier? Oui. Donc, c'est un bon cercle qui fonctionne bien, alors? Oui. Eh bien, super, là, il a encore une bonne idée, maman. En tout cas, merci à vous, merci d'être passé par chez nous et on a échangé sur des belles choses, finalement, parce que c'est pas qu'une entreprise, c'est ce côté humain aussi qui est présent et ce côté social aussi. Oui, puisque Promaintenance Bâtiment, c'est une entreprise familiale, avant tout. C'est une entreprise qui travaille en famille et ça, c'est le plus important. Et comme vous disiez tout à l'heure, la famille... La communauté portugaise est très très importante. On a aussi des petits jeunes, vous voyez, qui sont dans la communication, qui sont avec nous, qui nous aident. On en a besoin, parce qu'on a besoin d'une relève derrière. On est bien d'accord. Très bien. On est bien d'accord. Ben ça, voilà. C'est Alan. Toi qui as construit, oui, ça. C'est Alan qui a fait. Ah, ça. Ah, mais attends. C'est le petit bonhomme qui sort de la maison. Voilà. C'est toi qui as fait le petit bonhomme qui sort de la maison. Oh, j'adore. C'est lui qui a fait. Et ben voilà. J'ai trouvé, c'est lui. Oui, même la publication aussi qui a été faite avec. Super. Bravo. C'est Alan qui a fait tout ça. Attends, là, parce que là, tu m'intéresses, là. Ah, bah, attends. Bah. Donc, dis-moi, comment t'as trouvé ce petit bonhomme, là? Bah, en fait, il s'appelle Gideo. C'est un d'accord. peu le mascotte de Promaintenance Bâtiment. Mon but, c'est de... Vu que c'est une mascotte, ça permet une avoir une identité pour Promaintenance Bâtiment. Et quand j'ai vu ce logo, bah, je me suis dit, bah, ce serait parfait que... Il a une voix, il peut bouger, c'est... Ah, oh, moi, je suis fan, par contre. Ah, bah, merci beaucoup. Garantie, hein. Et j'avais fait un post aussi, Expo Loiret. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, bah, ce serait bien si on anime la fille qui danse, le bonhomme qui fait de la guitare, et bah, dans le tramway, que le Gido sort et parle comme quoi Promaintenance Bâtiment est... assiste à Orléans, enfin du stand, bah je me suis dit c'est parfait pour faire cette com, quoi. Mais tout à fait, bravo, parce que si t'es encore en cours. C'est ça, je suis en alternance. Très bien, ouais. Donc en alternance en chez PMB. Exactement. Et bah super. D'ailleurs, j'essaie d'animer les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Bravo, parce que tu fais un super travail, parce qu'en tout cas, tu m'as bien captivé, parce que moi, par contre, je suis tombée dans le panneau. Hein. Donc, c'est que ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. Bah, continue, merci. Parce que tu as un bon petit don. Et c'est le reste de l'équipe, c'est ça? Moi, je suis très curieuse, hein. C'est ça. Ah, bah voilà, voilà, voilà. Mais je vais les avoir tous, finalement. Enchanté, Gaëtan. Tu es en école de commerce. Je suis au lycée, précisément, à Sainte-Croix-Sainte-Verte, en première bac pro. Très bien. Et aussi dans l'entreprise familiale ? Non, je suis pas en alternance, juste, je viens... Tu prêtes main forte. Voilà, exactement. Très bien. Je me forme en même temps. C'est la meilleure école, celle-là. Ah, c'est important. Ah là, parce que sinon, maman, hein, c'est ça ? Exactement. Très bien. Bah, bravo à vous tous. Bravo. Merci. Il y a beaucoup. Encore quelqu'un que je dois interviewer ? Non, c'est bon. En tout cas, merci. Merci à vous tous. Bravo. Merci. Merci. Tu diras, hein, que je fais une belle pub. Hein. Merci, jeune homme. Merci. Un petit dernier mot de la fin. On se retrouve au stand qui est un petit peu plus loin, c'est ça, pour faire venir nos auditeurs. En D39. Le stand D39. Après, venez nombreux voir le Portugal, voir tout ça, tout ce qui a été mis en place, les entreprises aussi qui se donnent du mal pour pouvoir être là. Et je pense que c'est important de venir nous rendre visite. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. E não seguir em frente como queria. Talvez viver sem esta vontade. Se eu tivesse tido forças para ficar e deixasse um vazio no teu lugar, eu talvez viver sem esta saudade. Castigo. Association Hypnotise avec 3Z. Ben, j'écoute Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel sur 96.2 Orléans et ça me donne la pêche.